il y avait des rues sombres et des chemins boueux. Il y a de grandes routes et mes souvenirs sont creux. La maison reste seule au milieu des géants. Tu ne retrouverais plus rien ici et maintenant. Tiens, là où nous avons vécu, et les chantiers me servent, et disparaît la rue.